Salut Charline. Bon, vous êtes bien réveillés ce matin. Parce que je voudrais qu'on fasse une toute bonne émission. Mais encore plus aujourd'hui. Parce qu'on reçoit Pierre Bond, c'est un ancien du Petit Rapporteur. Ah oui, c'est l'émission référence. Faut qu'on décevoir. Donc je veux qu'on soit au top de l'esprit. Ah bah je me souviens plus quand c'est arrivé la dernière fois. Et on pourrait leur rendre hommage. Oui, on pourrait aller Guillaume et moi dans une boucherie et on se met des coups de boudin. Non mais les gars, ça c'est ridicule. Non mais on pourrait aller à mon cul par exemple. Ils l'ont déjà fait. Mais non, il faut surprendre. Ah bah on a qu'à aller à ma bite. Non mais qui est con, mais qui c'est pas une ville ma bite. Bah pourquoi mon cul non plus. Mais bien sûr que si. Mais mon cul ça existe. Mais non. Mais si, mais c'est pour ça que c'est drôle. Excellent. Mais oui, c'était fort les mecs. Mais oui, il y a aussi l'interview du père Liochon. Mais c'est même Pierre Bond qui l'a fait. Vous savez quoi, je pense qu'on doit pas essayer de copier le Petit Rapporteur. Elle a raison. On fait ce qu'on sait faire et puis il y aura une sorte de filiation comme ça. Mais s'il nous reconnaît pas. Ben ouais, s'il veut pas de nous comme enfant. Ah bah il fera comme Véronique Courgeot. Non, mais ça va, c'est une image. Mais quand même, ça serait vachement triste. Alex, mais qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, je suis sur internet, je regarde et ça existe mon cul, hein, c'est dans le lot. Mais oui, ça existe. Il y a même des images. Attends, du coup, essaye ma bite, on sait jamais. Voilà, ma bite. Ah! Bonjour la France Inter, bonjour mon cul, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui ne présente pas ses excuses à l'actualité. Et voici les trois informations que c'est le général de Gaulle qui l'a dit. Alors on va en parler jusqu'à 18h. Il reste moins d'une heure et demie à Nadine pour s'excuser. Et ne me dites pas quelle Nadine. Hein, voilà. 18h30, les Républicains et Nicolas Sarkozy en tête vont lui sans doute lui retirer son investiture régionale et ça risque de se passer comme ça. Tais-toi ! Si tu continues à faire autant de bruit, je te mettrai pensionnaire dans une institution religieuse. Le livre politique triche un peu avec les chiffres. L'éditeur de François Fillon prétend avoir dépassé les 50 000 exemplaires vendus. Je regarde, c'est pas le même que celui de notre invité, l'éditeur. Je suis chaud. Mais pour l'instant, c'est 16 000 exemplaires. Cela dit, il a déjà reçu un avaloir de 150 000 euros, François Fillon. Ça se négocie, ce genre de choses. Hein. 450 000. Que dit-on 500 000. À 600 000. 680 000. Un jugé de 680 000. Sans compétence ni talent particulier, que faire? Une télé-réalité pour ensuite monnayer une notoriété fugace lors d'événements en boîte de nuit. C'est le cas d'Anaïs de Secret Story 6 ou 13 ou 12, je ne sais plus. Grégui a commandé le champagne. C'est un meuf clito. Clico. Voilà, je suis accompagnée de celui qui monnaie sa notoriété en nature et en veuf clito, c'est Alex Vizorek. Je vous salue. Bonjour Charline Valmaker, je suis sans voix. Je vais donc vous présenter l'équipe autour de la table à 17h20. Celui qui fait le même effet aux adolescentes prépubères qu'un DRH aux salariés d'Air France, cette envie de lui arracher tous ses vêtements, c'est André Manoukian. Quelle métaphore, bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Julia Holter, chanteuse américaine idéale, elle aurait pu être notre enfant dans un monde formidable, Charline. Oh là là. J'adopte. Je vais laisser ce silence, qui est aussi du André Manoukian. À 17h30, lui, ce qu'il arrache, ce ne sont pas des vêtements. Non, lui, il arrache une part d'humanité à ses interlocuteurs. Et c'est comme la nudité, parfois, ça n'est pas beau à voir. Bonjour Guillaume Meurice. Particulièrement aujourd'hui. Ah. Bonjour Alex, bonjour Charline. Où on a été? Et oui, je me suis intéressé au synode qui a lieu en ce moment même au Vatican. Attention, ils vont réformer l'église catholique. Ça avance, ça avance. L'homosexualité est jugée contre nature. Par l'église catholique. Voilà, ça avance et ça recule. Hein. On ne parle pas d'homosexualité. Et à 17h40, elle s'arrache à l'intelligence le temps d'une heure hebdomadaire pour s'accrocher à nous et tenter de nous faire évoluer. Bref, c'est la Sisyphe de l'apprentissage. Bonjour Isabelle Sorens. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de Merlin le magicien. Voilà, j'ai pas compris le thème, c'est bon signe. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous Albert Lebrun, mais vous ne le faites pas. Vous présentez l'émission Bonjour Monsieur le Maire sur Europe 1 à partir de 1959. C'est l'année des 400 coups de François Truffaut. Vous intégrez l'équipe du Petit Rapporteur en 1975, quand se forment les Sex Pistols. Vous l'étiez un petit peu aussi, finalement. Vous publiez le livre illustré La France que j'aime en 2010, quand Houellebecq reçoit le Goncourt pour La carte et le territoire. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, allez-y. Pierre Bonte. Oh, oui, c'est lui. Évidemment, c'est Pierre Bonte. Ici, Pierre Bonte. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Pierre Bonte, alors oui, bonjour monsieur le maire, ouais. C'était sur Europe 1 à partir de 59. Vous avez quand même sillonné 4000 communes en 15 ans. Donc s'il y a bien quelqu'un qui a... qui est allé au contact des Français, qui a labouré le terrain, comme disent les politiques, c'est vous finalement. Vous connaissez la France des régions et vous publiez « Mes petites Frances ». C'est chez Fayard, avec comme sous-titre « Nous sommes tous des provinciaux ». Tiens, est-ce qu'on peut encore dire « province » et « provinciaux » ? Parce qu'il paraît que des fois ça heurte l'oreille de nos amis auditeurs en région. Écoutez, c'est un mot qui s'est effectivement dévalué. La province, c'est un mot historique. La France a été constituée de provinces qui se sont agglomérées pour constituer d'abord le Royaume de France et après la République. Bon, mais le mot, c'est vrai qu'il a pris un côté péjoratif parce que être provincial, pour un Parisien, c'était quand même un peu légèrement honteux. Et tout provincial qui montait à Paris, quand il était arrivé à Parisien, et c'est vrai qu'il essayait de faire oublier ses origines. Ce qui est en train de changer. Alors vous êtes un gars du Nord. Ah oui, un vrai, oui, ch'ti, ouais, bon choix. Donc nous, on s'est plongé, étant belge, Alex et moi, on s'est plongé dans le chapitre du Nord. Et on s'est dit, alors au début, vous dites, on va pas tomber dans les clichés, etc. Mais quand même, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de clichés dans le livre. Si on lit les gens du Nord, ils sont chaleureux, accueillants, etc. Alors il y a des clichés que moi, connaissant moins les Français, je connaissais moins. Par exemple, l'Alsacien est écolo. Moi, je sais pas si c'est un cliché ou pas autour de cette table. Vous saviez que l'Alsacien est écolo? Moi, je savais qu'il était plus musicien que le reste des provinciaux, mais écolo, je savais pas. La randonnée en Alsace est un sport très très ancien. Que les Allemands aiment beaucoup. Le club des Vosges, par exemple, existe depuis très très longtemps. Il y a un amour de la nature, un romantisme, qui est d'origine alsacienne et germanique aussi. Oui, mais influencé par l'Allemagne. Mais bien sûr, mais l'Alsace. Elle est aussi germanique que française. Mais les clichés viennent toujours de quelque part, quand même, Pierre Bonteau. Voilà, c'est ça qui m'a amusé, moi. C'est d'aller rechercher les clichés, de voir d'où ils venaient, et ensuite de voir comment ça avait évolué avec, quand même, les décennies. J'ai pas lu Pierre Bonte. Le Lyonnais, il est comment? Parce que moi, je parle pas du Lyonnais. Je parle pas des villes. Je parle des provinces. Lyonnais, les gens des villes, c'est très difficile. Alors le Rhône, non, c'est pas une province, le Rhône-Alpes. Mais vous êtes en quelle province? J'ai un chapitre sur les Savoyards. Ah ouais, je suis un peu Savoyard. Les pays de Savoie ont constitué quand même une entité historique qui a été rattachée à la France sous Napoléon III. Mais les Savoyards ont un tempérament. Mais c'est celui des montagnards en général. Ah oui, c'est des cons. Et les Savoyards arméniens, ça donne quoi? C'est un peu traumatisant, non? C'est merveilleux, ça. Oui, bien sûr. Mais c'est ce qui est merveilleux, c'est que la Savoie, par exemple, en Savoie, on compte 50% d'habitants qui ne sont pas natifs de Savoie, qui sont des néo-savoyards et qui pourtant se considèrent comme de vrais savoyards. L'assimilation se fait extrêmement rapidement au niveau des régions, comme les Polonais dans le Nord ou en Belgique. Bonjour. Et alors Vizorek. Oui. Pierre Bonte, il y a aussi dans le chapitre sur la Charente une anecdote sur la pêche aux moules. Parce qu'on vous associe forcément au petit rapporteur. Oui, parce que ça nous colle à la peau depuis le début, là, du petit rapporteur. Mais c'était une chanson, du folklore charentais. Voilà. Ouais. Et donc vous avez modifié un petit peu les choses. Oui, un peu les paroles, simplement. Un petit peu les paroles et la gestuelle. Et les puristes charentais vous en ont voulu un petit peu. Vous expliquez que Giscard a fait venir un groupe folklorique à l'Élysée pour justement apaiser les tensions. Donc c'est-à-dire le pouvoir de la télévision. Voilà, lors du Noël de l'Élysée, il a fait venir une chorale. Et il paraît qu'il a lui-même a interprété la pêche aux moules au piano. Aucun document n'existe sur cet événement. Ça, c'est bien dommage. On va avoir l'occasion de reparler, Pierre Bonte, de Mes Petites Frances, votre ouvrage chez Fayard, parce qu'il est question des fois d'identité nationale avec Nadine. Alors, vous, c'est peut-être l'identité provinciale, on verra, on ne vous dit pas tout de suite. Et oui, qu'il sera question de Nadine. On n'en parle jamais. Nadine qui, d'ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas, écoutez, on va trouver. Suspense. On va en trouver une dans le couloir, on va la prendre sur France Inter, tout simplement. Start tricking, 'cause it's you I should be checking. So she Jeremy Rockway et ce titre, on dirait que c'est André Manoukian qui l'a écrit, puisque c'est Cosmic Girl. Yeah. Ah, c'est trop ça. Et autour d'André Manoukian. Oui, excusez-moi, je suis choqué parce qu'il y a hashtag annule tout. On vient de m'envoyer un article. Les Belges parmi les plus longs pénis d'Europe, c'est sur la DH. Et donc je le dis parce que c'est un auditeur qui suit et donc il nous donne cette info. Et cette info qui arrive en surprise. Vous avez raison, oui. Isabelle Sorrente à côté de moi. Et voilà, qui surprend aussi André Manoukian. Et Guillaume Meurice, excusez-moi, voilà. Toujours l'info, j'essaie de coller. Hein, là. Oui. C'était Alex Vizorek, mais il faut le dénoncer quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas Pierre Bon? J'essaierai de traiter l'information demain. Mais il ne faut pas lui laisser un ordinateur aussi, c'est la connerie de base. On ne devrait pas. Et qui est ce tuito qui nous a écrit? Alors, le type a quand même un pseudo. Hein. Un peu de X et un peu de Y et un peu de Z, c'est d'accord. Son pseudo. Mais il nous écrit souvent. Allez, pendant qu'on parle, le monde change et il est déjà temps de se réinformer. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, des spots télé ont été lancés pour dissuader les jeunes de partir faire le djihad. Et c'est sûr qu'après 2 heures d'Hanouna sur D8, on pourrait avoir des envies de changer le monde de n'importe quelle manière que ce soit. Nicolas Sarkozy n'a pas voulu dormir dans le même hôtel que les parlementaires, les Républicains, à Reims. C'était un hôtel Best Western, idéal pourtant quand on a une démarche de cow-boy. Et enfin des brèves, des détournements et des imitations. Bref, toute la panoplie de l'information de qualité. Et on commence avec ces spots de campagne que vous pouvez voir en ce moment à la télévision pour dissuader les jeunes de partir faire le djihad. Oui, ce sont des proches qui témoignent de leur propre expérience d'enfant parti faire le djihad. Notre fils vivait dans un univers plutôt privilégié. Il aimait la musique, il aimait le sport, il faisait des sketchs. Ah. Et on a su qu'un mois après où il était. Et il est en Syrie. Voilà, donc il faisait des sketchs avant de partir. Meurice, méfiez-vous, soyez vigilants, hein, ça peut vous prendre à n'importe quel moment. J'ai prévu. Alors, je suppose qu'il y a plusieurs spots, il y en a d'autres. Oui, j'ai notamment un autre extrait, celui d'une femme dépitée par le départ de son conjoint pour la Syrie. Quand je vois son regard extraordinairement fixe, comme ça, une chose, avec un horizon très lointain et dur, je me dis... Là, il y a de la chimie qui est passée par là. Il a recours, je vous dis, à des armes. Et par conséquent, tout est permis pour arriver à ses fins. C'est un grand stratège. Voilà, c'est terrible ce qui arrive à ces gens comme vous et moi. C'est, voilà, ça fait des spots. Alors, ouais. on reste dans le conflit avec le bombardement de l'hôpital de MSF. Les Américains reconnaissent une erreur. Ah, une erreur. Une erreur, c'est par exemple quand t'envoies un mail sans la pièce jointe, c'est une erreur. Quand t'appelles ta copine du nom de ton ex, c'est une erreur. Mais quand tu bombardes un hôpital et que tu fais 22 morts, je pense qu'éventuellement on peut parler de boulettes. C'était plus ou de frappe chirurgicale. C'est le cas de le dire. Politique à présent. Oui. Lors de la journée parlementaire Les Républicains à Reims, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu loger avec les autres parlementaires au Best Western 4 étoiles. Il a préféré un relais et château, pas loin. C'est voilà le coût de la chambre d'après le canard enchaîné, 1 612 € la nuit. Alors, est-ce vrai ou pas, Alex? Alors, nous avons donc décidé, dans des cas comme celui-là, de directement faire appel à la porte-parole de la présidence de l'UMP. Elle est nouvelle dans cette fonction. Bonjour, Charlotte Brune. Bonjour à vous. Mais tout d'abord, j'aimerais préciser quelque chose. C'est quelqu'un qui m'a dit que tout ce qui était dans le canard enchaîné était faux. Ah, bah, on ne s'attendait pas à autre chose de votre part, mais que faut-il donc penser de cette histoire d'hôtel? Eh bien, que mon homme, que Nicolas Sarkozy, a très bon goût, sachez-le. En matière d'hôtellerie, comme en matière de femme, il faut bien le dire, il n'allait quand même pas dormir avec tous ses condisciples. Mais un 4 étoiles au centre de Reims, ça aurait pu convenir, non? Mais madame, en France, le 4 étoiles, c'est très surfait. Moi, personnellement, sachez que j'y dors très mal. Question gastronomie, sachez aussi que je vais vous choquer peut-être, mais dans certains 4 étoiles, c'est caca. Ben on est très choqués en tout cas, Charlotte Brune, merci, revenez vers nous. S'il y en a d'autres questions, sur Nicolas Sarkozy. Allez, on reste à droite avec Claude Guéant et le procès des primes en liquide. 30 mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. Eh ben voilà un qui connaît sa chambre d'hôtel. Passons au sport. Oui, Sepp Blatter a déclaré « La FIFA fonctionne encore très bien ». En tout cas, s'il n'a plus d'emploi à la FIFA, il peut venir diriger Air France. Culture à présent. Oui, Twilight fête ses 10 ans en offrant une version collector du premier épisode, une version où le sexe des deux personnages principaux est inversé. En revanche, rappelons que le sexe d'électrice, c'est toujours le même. C'est pas faux. Et on termine par une belle nouvelle de solidarité. Oui, le site d'écoute en ligne Deezer a mis à disposition tous les albums des Enfoirés en écoute gratuite. Pour la bonne cause. Oui. Et il promet d'offrir l'équivalent d'un repas toutes les 300 écoutes. Donc, soit vous pouvez faire un chèque au Resto du Cœur, soit écouter 300 chansons des Enfoirés, ce qui risque de relancer l'utilisation du chèque. Pierre Bond, vous vous sentez plus informé, j'imagine, maintenant. C'est... Oui, j'apprécie beaucoup votre information. Ça me rappelle aussi, vous avez les petits journaux que faisait Jacques Martin dans Le Petit Rapporteur. Oui, il prenait l'actualité et il l'aménageait à sa façon. Oui, voilà, voilà. Les petits arrangements. Voilà, petits il a été le premier à vouloir faire un journal satirique. C'était le titre du Petit Rapporteur. Journal satirique. C'est un modèle. C'était le premier français à inventer ce qu'on appelle aujourd'hui l'infotainment, finalement. Oui, si on veut. En tout cas, l'info détournée. L'info détournée. Voilà. Hein, nous, on ne détourne rien du tout. Hein. Jusqu'à 18h, du factuel, du précis. Et avec vous, Pierre Bonte, le premier sujet. 10 jours après sa sortie chez Laurent Ruquier, on bouffe encore du scandale Morano dans tous les journaux aujourd'hui. Comme il y en a un peu plus, on vous le met. Hein. Alors ce soir, la commission d'investiture Les Républicains doit statuer sur le sort de Nadine. C'est dans une heure. Nicolas Sarkozy a déjà pris sa décision. Entre Nadine et Nicolas, ça devrait se passer comme ceci. Enfin, qu'est-ce qui vous prend ? J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous avez. Je vous donne pour la camisole de pâte. La ferme. Vous savez pas à qui vous parlez. Je m'en fous. Mais vous savez pas à qui vous parlez. C'est une folle. Voilà, ça va se passer comme ça à la commission d'investiture des Républicains. Vous imaginez la scène comme ça aussi, Pierre Bonte ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'étonne, c'est que c'est vraiment une querelle très très française quand même. Il n'y a qu'en France qu'on peut se battre autour d'un mot comme cela, avec autant de passion et autant de violence. Moi, il est chargé quand même symboliquement, ce mot. Alors, il est chargé aujourd'hui. Je veux dire, un mot, qu'est-ce que c'est ? Ça habille une réalité. Hein. La réalité, on ne la change pas. Le mot, là, il semble qu'effectivement, ce mot, moi, quand j'étais enfant, ça ne me choquait pas. Voyons, on parlait des petits blancs, des petits jaunes, des petits noirs, des petits chinois. Voilà, tout a évolué. Ce mot a pris un côté sulfureux et un côté donc explosif. Bon, je crois effectivement qu'il faut éviter de l'utiliser. Il vaut mieux éviter. Non, mais c'est surtout qu'elle a dit race blanche. C'est pas tellement qu'elle a dit race, à la limite. C'est qu'elle a dit la France est un pays de race blanche. C'est plutôt ça qui crée la polémique, plutôt que l'utilisation du mot. Elle aurait parlé de race noire, il n'y aurait pas eu au Royal. Ça dépend comment elle a... Ça n'est pas acceptable non plus. Libé, donc Libération, le lendemain de la sortie chez Ruquier, a fait une toute petite brève, juste pour dire on n'en parlera pas. Genre, marquez le coup. Mais 10 jours après, ça fait une pleine page dans Libération. Voilà, alors c'est la chienlit chez les Républicains. Hein. C'est justifié tout ce barnum, vous trouvez, Pierre Bonte ? Le sujet lui-même, je rappelle que vous êtes journaliste. Le racisme est un vrai sujet. Le mot race, moi, me paraît moins choquant. Mais autour de Nadine Morano, si on revient à Nadine Morano, voilà, qui est une élue, enfin, qui est députée européenne, est-ce que ça vaut tout ce débat et ces lignes et ces lignes dans les journaux ? Non, absolument pas. Je crois qu'on y accorde beaucoup trop d'importance. Bon. Bientôt, Brigitte Bardot va demander à ce qu'on n'utilise plus le mot race dans l'espèce animale. Parce qu'il restera toujours quand même des races bovines. Elle est lorraine, Nadine. Est-ce qu'il y a des traits lorrains, vous qui publiez Mes Petites Frances, qui connaissez bien les régions? Est-ce que c'est l'incarnation de la Lorraine? Les Lorrains aiment la chicane. Et ça, Morano, je crois qu'il a quand même hérité de ça. Je vois qu'Isabelle se rend debout. Non, en fait, je trouve juste assez drôle le recueillement sur la tombe du général de Gaulle, parce que ça, je trouverais bien que quelqu'un se recueille et aille méditer, mais en général, ce sont des démarches secrètes. Oui. Donc, ce qu'il y a d'un peu étrange, c'est le côté drama queen, c'est d'aller filmer la chose. C'est nuit, en plus. Et j'aurais eu beaucoup de respect si on avait appris dans 10 ans que ce jour-là, elle avait médité toute la nuit dans une église inconnue. Mais poster sur Facebook sa photo en train de méditer... Elle fait comme les vedettes de télé-réalité, puisque Nadine Morano, c'est la vedette d'une droite populaire décomplexée. C'est ce que Complètement décomplexé. Voilà, voilà. Il vient dire que Jean-François Copé vient à son soutien. Hein. Il a dit. Donc là, ça nous fait une belle équipe. Ça nous fait une belle paire. Les cons, c'est une espèce ou une race? Alors là, l'enchaînement avec Manoukian va être un peu compliqué. Lui, il fait partie de la race des musiciens. Et ça, c'est acceptable. Oui. S'il y avait plus de musiciens dans les gouvernements, ça serait moins la merde. Là, je suis en lit. À l'heure où. Du temps de Giscard, c'était mieux. On avait de l'accordéon. à l'heure où vont débarquer d'Amérique des freaks, dans le sens hélas littéral du terme, je vais parler des candidats républicains à la présidence des États-Unis, tous plus belliqueux, racistes et incultes les uns que les autres, il est bon de se plonger, de se laisser submerger plutôt dans la vague d'océan pacifique que nous envoie Julia Holter. Remember that name, my man, Julia Holter, car cette Californienne, à peine trentenaire, nous décrasse les oreilles, la tête et le cœur. Et Dieu sait si on en a besoin en ce moment de se décrasser les méninges. Elle est issue d'une lignée idéale. Pendant que maman était en haut qui faisait du gâteau, papa était en bas qui faisait du chocolat. Maman, c'est Carole Chamas, historienne et académicienne. Oui, ça existe en Amérique. On ne les voit pas beaucoup, alors c'est bon de faire un petit détour et d'en parler un peu de temps en temps. Carole Chamas, la maman, invente entre autres le concept de gouvernement domestique. En étudiant le pouvoir au sein du foyer, elle reconstruit l'histoire américaine sous le prisme des femmes et du genre. Admirable femme. Quant à papa, son chocolat, c'est qu'il est musicien, il a joué avec Pete Seeger, mais il y a longtemps. Et en fait, il va passer sa vie à gratter la guitare. Ça, c'est un chouette modèle. Je nous vois, Charline, pendant que vous bossez 16 heures par jour à écrire toutes vos chroniques, à préparer vos émissions, moi, je vous jouerai un petit coup de Chopin, par-ci, un petit coup de Duke Ellington, par-là. Oui. Et le résultat, c'est qu'on pourrait faire une fille comme Julia Holter. Selon Freud, la maman... Ah, le clavier n'est pas où je pense. La maman, quand on rêve d'une maman, c'est l'intérieur de la maison et l'affectif. Le papa, c'est l'extérieur et le travail. L'intérieur, ça veut dire la vie émotionnelle. L'extérieur, c'est notre représentation dans la société. Vous suivez? Bon, et oui, c'est pas du tout réac, c'est pas grave. Non, ça, c'est Freud. Oui, pardon, hein, excusez-moi. C'est fin de 19e siècle. Donc, on n'a pas le droit de critiquer, okay. D'accord, ok, pardon. Alors, enchaînons. Là, ça marche. En l'occurrence, l'intérieur, le monde de la maman, bah, c'est ce qui va inspirer Julia. Et l'extérieur, c'est qu'elle choisit d'être une musicienne. Mais alors, une musicienne accomplie, qui joue de beaucoup d'instruments, dont le clavecin. Les gars, elle est américaine, elle est canon. Et elle joue du clavecin. Ses premiers albums sont de la musique de chambre, mais au sens littéral du terme, puisqu'elle y joue de tout. Et là, elle nous sert des mélodies qui se déroulent à l'infini. Vous avez vu, Charline, j'ai rayé tout ça. Hein. Vous sautez un paragraphe. C'est ça. Elle nous sert des mélodies qui se déroulent à l'infini comme un ruban de Mébius, mais dans lesquelles jamais on ne se perd, parce qu'elles sont vertébrées par une batterie pop et magistralement servie par la précieuse voix mezzo-soprane de Julia. C'est mezzo, joli, hein. Okay, c'est le bas, soprane, c'est le haut, dont l'ambitus, la différence entre la note la plus basse et la note la plus haut, montre qu'elle sait aller dans les profondeurs de son être, en même temps qu'elle peut s'envoler très haut, en prenant les courants ascendants d'orchestration langoureuse et puissante. Putain, je l'aime cette phrase. Oh, je peux la oui. ressortir. Elle s'envole très haut en prenant les courants ascendants d'orchestration langoureuse et puissante. Quant à ses sujets d'inspire, puisque c'est le même mot qui désigne l'air qui rentre dans nos poumons et l'air d'une mélodie, qui nous vient du ciel. Donc, l'inspire de Julia, écoutez voir un peu. Son premier album, paru en 2011, s'appelle Tragédie. Il est inspiré de la tragédie grecque d'Euripide, Hippolytus. Là, j'ai rayé aussi. Ah oui, c'est en bon. Gros, c'est bon l'histoire... quand vous riez un paragraphe. C'est bon. Oh, c'est l'histoire d'amour impossible entre un mec et sa belle-mère. Cet album son premier album est noté parmi les meilleurs de l'année 2011 par NPR. Qu'est-ce que c'est NPR? C'est la Radio Nationale Publique Américaine, voilà. Basée à Washington, qui ne passe que de la bonne musique, pas de pub, et qui n'a que des chroniqueurs érudits. Eh les gars, c'est le France Inter-Américain. Son deuxième album s'appelle Extasis, encore un mot grec qui signifie... Putain, mais la vous suivez pas sortir la de son corps, vous l'a fait sans arrêt celle-là. Elle la voilà reconnue par toute la critique US qui s'empresse de la comparer à Laurie Anderson, Kate Bush ou Stereolab. Ce vieux réflexe de situer un artiste par rapport à ses prédécesseurs. Mais va pour ces chanteuses, dont Julia Holter partage au moins une qualité... Elle invente. Julia Holter, plébiscitée par la radio de service public américain, qui voit des Grecs partout, mais bon sang, c'est la fille qu'on aurait pu avoir, Charline. Attendez, le problème, c'est qu'elle a votre âge. Ouah, ça devient compliqué comme une tragédie grecque, cette affaire. Julia Holter, Feel You, et ça c'est pour André Manoukian qui est un vrai Feel You. Oh yeah, merci. Et l'album s'appelle Have You in My Wilderness. Et vous avez remarqué son ambitus comme il est formidable. Alors, ah ouais. c'était bourré de viols de gambe et de petits clavecins. C'est pas beau ça? Oh. En Californie aujourd'hui, il y a des gens encore érudits. Non, mais ça me donne espoir, moi, en l'humanité. Non, c'est vrai. Petite fricassée de petits clavecins, c'est toujours délicieux. Oui. Quelqu'un nous suit sur Twitter avec attention, Laurent Christol, qui hashtag annule tout, nous dit Manoukian et Sorante dans la même émission. Est-ce qu'on fait 2 heures d'émission aujourd'hui pour l'interrogation? Donc pas. Le type vous connaît. On va voir. On est avec Pierre Bonte jusqu'à 18h, mais Petite France, c'est paru chez Fayard. Et à côté de vous, il y a Guillaume Meurice, qui a un petit esprit, petit rapporteur. Moi, je sens ça. Enfin, vous allez juger sur pièce, Pierre Bonte. J'espère qu'il y a une filiation. Car c'est le moment Meurice. Mais oui. Alors moi, je vais vous parler du fameux synode aujourd'hui, donc de la réunion d'ecclésiastique qui a lieu en ce moment même au Vatican et qui réunit des représentants catholiques sur le thème de la famille. Et ça me parle parce que nous sommes une famille. C'est vrai. Ici, c'est vrai, n'est-ce pas, maman bah, Charline, papa Alex, n'est-ce pas, tonton Manou qui est Tatise. D'ailleurs, on couche tous ensemble entre nous. Nous sommes une vraie famille catholique. Nous vivons dans l'amour et ça tombe bien car Dieu est amour. Et ça ne semble pas être le cas de ces fervents admirateurs. Ils ont exclu un prêtre polonais qui a révélé son homosexualité il y a quelques jours. Pour faire le point, j'ai d'abord contacté un vrai de vrai, Alain Escada, le président de Civitas, l'association catholique traditionnaliste. C'est mon copain. Alors Alain, Dieu, s'il est amour, il l'est aussi pour les prêtres homosexuels. Sexuel, non ? Vous ouvrez la porte à une série d'interprétations qui ensuite vont légitimer n'importe quel débordement. Oui, mais là, a priori, c'est juste, c'est que de l'amour. C'est non, non, c'est pas a priori, c'est juste que les choses sont gravées dans le marbre et ne peuvent pas être changées. Bon, je me fais engueuler, dis donc, ça commence bien. On rigole pas avec ça, hein, quand même. Attention, dans la Bible, il y a l'histoire de Sodome et Gomorre, hein, vous connaissez tous, hein, Dieu fait quand même cramer 2 villes pour punir les mœurs homosexuelles. Bon, je pense aussi que Dieu, il en a carrément plus rien à secouer parce qu'il a toujours pas fait cramer le quartier du Marais à Paris. Hein, le seul truc qui flambe là-bas, c'est le prix des loyers, mais bon, ça, c'est pas le sujet. Revenons à Alain Escada qui m'a bien confirmé que... L'homosexualité est contre nature. Mais marcher sur l'eau aussi, alors. Ça n'a rien à voir, mais non. Soyons sérieux de deux instants. Vous n'allez pas... Mais je suis très sérieux. Un miracle n'a rien à voir avec quelque chose de contre nature. Ah bah, quand même, vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau, non ? Bah non, c'est pas contre nature. C'est pas contre nature au sens de ce qu'on appelle contre nature dans l'Église. Ah oui, il y a une question de vocabulaire à régler, hein, même de logique. Donc, marcher sur l'eau, nature. Aimer Mylène Farmer, contre nature. Là, sur un point de vue strictement musical, ça se défend. Mais sur un point de vue ethnologique, c'est tout simplement faux. D'ailleurs, est-ce que ça lui arrive à Alain de flasher sur un mec ? Certainement pas, Dieu m'en préserve, je ne vois vraiment pas en quoi ce genre d'attitude pourrait intéresser quelqu'un qui cherche à avoir une vie normale. Non mais on ne choisit pas, c'est ça en fait. C'est vous qui le dites. Ah vous pensez qu'on choisit ? Ça c'est votre interprétation. Oui je pense qu'on choisit. Et à quel moment vous avez choisi d'être hétérosexuel ? Bah, c'est naturel. Mais il y a quand même par exemple des hommes que vous pouvez trouver beaux. Mais je ne vois pas quel est le rapport. Je trouvais étonnant de poser des questions qui sont loin d'être une façon normale de débattre d'un sujet comme celui-là. Oui, alors c'est vrai que je pose des questions qui ne sont pas naturelles hein, au sens catholique du terme. Alors là, on avait affaire à un fondamentaliste catholique, ce qui n'est pas évidemment le cas de tous les catholiques. Posons cette question de l'amour directement à un prêtre plus modéré, le père Cédric Burguin. Les prêtres, l'amour, ils le vivent. Je vous rappelle quand même qu'ils ont décidé de donner leur cœur et leur corps à quelqu'un qui est Dieu. Mais vous ne pensez pas qu'on peut aimer Dieu et un être humain en même temps ? Ça, c'est vous me définissez le mariage chrétien. C'est-à-dire on aime son conjoint à travers Dieu et on aime Dieu à travers son conjoint. Bon, arrêtez ça, parce que cette histoire de plan à trois avec Dieu, ça devient vraiment bizarre. En plus, je croyais que ses voix étaient impénétrables. Alors, ça me paraît quand même très paradoxal. Bon, puisqu'on parle de paradoxe, je vous rappelle que le synode, c'est quand même une réunion de mecs qui ont décidé de pas fonder de famille du tout, qui se réunissent ensemble pour parler de famille. Alors, moi, je veux bien écouter poliment, mais bon, c'est comme si Alain Finkielkraut était prof de yoga dans un institut de bien-être. Hein, on nous en veuille pas si on n'est pas spécialement attentif à ce qui se dit. Demandons à Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, porte-parole de l'épiscopat français, ce qu'il pense de ce paradoxe. Eh ben oui, je n'aurai pas d'enfant. Et alors, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de fécondité, y compris une fécondité spirituelle dans mon ministère, ah, je l'espère. Ah oui, c'est ça, vous m'avez fait peur. Ben oui, mais elle est importante, cette fécondité spirituelle. Elle est très importante, cette fécondité spirituelle. Ça peut vous éviter notamment de payer des pensions alimentaires, n'est-ce pas, Manoukian? En matière de fécondité spirituelle, j'ai l'impression que vous êtes croyant, mais pas très pratiquant, dis donc. Bon, alors évidemment, il y a l'ultime recours, hein, si on ne veut pas d'enfant, l'avortement, bien sûr. Et ça, les cathos, extrémistes ou pas, ils aiment pas l'idée, parce qu'un fœtus, qu'est-ce que c'est? Par exemple, pour Madame Mongin, éditrice de littérature chrétienne. Pour moi, c'est un être humain. Quel que soit le stade de développement, c'est un être humain. Dès la cellule œuf, pour vous, c'est un enfant? Eh bien, oui, mais dans ses cellules, il a tout, absolument tout, pour devenir l'être humain qu'il va devenir. Ah, l'être humain qui va devenir, vous avez dit. Donc, il n'est pas un être humain. Non, si, c'est un être humain. Pour moi, c'est un être humain. Alors, je vous demande vraiment de ne pas me faire dire autre chose. Ah non, je ne vous fais pas dire autre chose, mais vous venez de dire l'inverse, c'est pour ça. Oui, excusez-moi, c'est la pression. Oui, c'est la pression, sans doute qu'elle parle de la bière, encore qu'il soit davantage attiré par le sang du Christ, hein, bu lors de son dernier repas. Là où il prononça d'ailleurs « Mangez, ceci est mon corps » à ses 12 copains complètement nus sous leur toge, oui, ça me trouble, ne laissant que peu de doutes sur l'origine de l'homosexualité dans l'Église. Et voilà, CQFD par Guillaume Meurice, hein, CQF. On ne rattrape rien au milieu. Voilà. C'était Guillaume Meurice sur France Inter. Juste une question, Isabelle Sorand, vous qui avez un peu de culture. À quel moment est-ce que les prêtres décident d'être célibataires? On décide ça assez tard, je crois. Eh bien, c'est assez tard. Je ne sais plus à quel moment. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'avais lu, je ne peux pas vous retrouver la référence, mais il y a eu un moment au Moyen-Âge où les prêtres ont célébré des mariages d'hommes, en fait. Et ouais. Il ne faut pas dire ça à Alain, parce qu'il va faire une syncope. C'est la vérité. Allez, on est avec Pierre Bonte jusqu'à 18h et on va aborder le deuxième sujet. Pierre Bonte, les livres politiques sont l'objet de petits arrangements sur les chiffres de vente. Première info surprenante, les programmes de nos politiciens sont assez épais pour tenir dans un livre, un livre broché même. Alors celui qui a le plus pipoté sur les ventes, mais qui est pourtant en tête, c'est François Fillon. Voici pourquoi. Voilà, j'ai une déclaration d'ordre personnel à faire. Je me sens différent. Depuis toujours, je suis sujet à des pulsions irrésistibles. Oh bon ? Voilà, je suis attiré par les dossiers. Les problèmes de fond, l'économie, tout ça, j'adore. Pour donner le change, j'ai bien essayé de faire du buzz, des coups de com', mais j'avoue, je jouais la comédie. Hier, par exemple, si j'étais pas à la soirée de Drucker, c'est parce que j'ai passé toute la nuit sur le dossier de la fiscalisation des PME. Les guignols de l'info, bien sûr, quand Canal était encore Canal. Alors, Albin Michel a très vite crié. On salue notre parrain qui y croit. Notre parrain, quand même. Bruno Gassiot. Oui, Bruno Gassiot. Vous voulez ouvrir un dossier aujourd'hui, là, non, tout de suite? Non, mais s'il y croit, on lui donne le bénéfice du doute, parce que c'est notre parrain. Bruno, viens là, qu'on te tire les oreilles. Comment on explique à l'auditeur maintenant que vous avez entamé vous le sujet? Bruno Gassiot lâche sur Internet. Vous allez nous disputer le parrain. Bon, allez, le deuxième sujet. Donc, c'est Albin Michel qui a très vite crié au best-seller et a annoncé 52 000 exemplaires écoulés en 2 semaines, alors qu'en réalité, il y en a à peu près 16 000, ce qui est quand même un joli score pour 2 semaines. Juppé est à 9 700 exemplaires pour l'instant. Cécile Duflo, 665 exemplaires. Alors, Pierre Bond... Elle ne veut pas gaspiller le papier. Oui, c'est ça, elle ne veut pas abattre trop d'arbres. Est-ce que c'est une nouvelle forme aussi d'indices ou de sondages, parce qu'ils sont candidats à la primaire républicaine, enfin à la primaire à droite plutôt, Alain Juppé ou François Fillon, les ventes de livres, on regarde ça. Non mais ça tient au langage de l'édition, c'est-à-dire que les uns parlent des tirages de livres, c'est-à-dire du nombre d'exemplaires imprimés qu'on met en place dans les librairies. Ça, bon, ça, au départ par exemple, ça a été je crois 50 000 et quelque chose pour Fillon, et après il y a le chiffre des exemplaires vendus. Mais ça, on ne le sait que beaucoup plus tard. Et là, j'ai l'impression que ce dont se vante l'éditeur, c'est le tirage, simplement. C'est ce qu'il a imprimé. Alors, il y a beaucoup de mecs qui se vendent du... Oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'ils ont le temps d'écrire, vous pensez, les politiciens? Écoutez, ça m'étonnerait. Est-ce que Nadine Morano a un nègre, par exemple? Ben, je crois qu'ils ont. C'est pas ça. Bonne question. C'est une vraie question, ça. Non, parce qu'on a l'impression qu'ils quand même, ils passent plus de temps à promouvoir et à dédicacer qu'on se dit, mais quoi, est-ce qu'ils écrivent? Je ne sais pas. Oui, c'est une grande tradition française que de publier son programme en étant un livre. Je ne crois pas qu'il y a un seul politicien belge qui a fait ça. Et d'ailleurs, le programme des partis, on le reçoit dans la boîte aux lettres. Oui, c'est vrai, ça tient sur un folder. Mais nous, on doit payer pour savoir le truc qui va nous niquer par la suite. Voilà. En tout cas, le programme de Pierre Bont, en toutes lettres, voilà. c'est Mes Petites France. Voilà, tiré à 15 000 exemplaires. Ah, les chiffres. Voilà, déjà, vous avez les chiffres. C'est les chiffres fillons ou c'est les chiffres d'envoi? C'est les chiffres imprimés. Alors maintenant, tout dépend de vous pour savoir combien... Passer ici, après cette émission, ça va être relancer l'impression directe. Attention, ouais. Ah ouais, direct. Et là, de livres, il en est question. Enfin, de livres, de mots en tout cas. C'est Isabelle Sorante. Alors oui, deux livres aujourd'hui, Charline. Alors, au moment où les coprésidents des négociations de la COP21, puisque notre climat change, comme vous le savez, essayent de tirer les leçons du passé et de négocier l'avenir de l'humanité au degré près, hein, puisqu'on en est là, entre 1,5, 2, et c'est la fin si ça fait 3 de plus, je vais vous parler d'un homme qui a le pouvoir de connaître à la fois l'avenir et le passé. J'ai nommé Merlin. Oui, c'est bien Merlin l'enchanteur dont je vais parler aujourd'hui et de l'actualité brûlante de ce personnage né au XIIIe siècle. Le roman en prose, Merlin, a été écrit par Robert de Boron et il s'inscrit dans la légende du Graal et de la Table Ronde. Donc, comme tous les livres du Graal, il est marqué par la mystique chrétienne. Et le roman commence d'une manière incroyable par un espèce de conseil d'administration des démons. Ça se passe en enfer et les démons sont furax d'avoir perdu en partie leur pouvoir sur les hommes puisque leurs péchés sont désormais rachetés par le Christ. L'enfer menace donc de se vider. Les actions sont en baisse, les démons sont très inquiets et ils décident, dans leur grande fourberie et leur grande intelligence, de créer eux aussi leur fils de l'homme, une sorte d'antéchrist donc, qui possédera leur ruse et leur intelligence et qui aura le don de connaître le passé des gens. Alors pourquoi le passé? Parce que les démons espèrent que cet homme, par la puissance de son esprit, par le récit des conquêtes passées, on va dire par une espèce de conservatisme rusé, détournera les autres hommes du souci de leur avenir. Et pour accomplir ce grand projet, un des diables s'en va semer le malheur dans une famille française. La province n'est pas indiquée, mais en tout cas, le bétail meurt, le fils meurt, la mère se suicide, le père tombe malade de chagrin et meurt. Et donc, il va rester trois filles. La première va prendre un amant et va être enterrée vivante, parce qu'à cette époque-là, dans le Berry, donc on est des talibans. La deuxième va devenir prostituée, parce que si on couche avant le mariage, il faut coucher avec tout le monde pour pas être enterrée vivante. Donc, c'est un peu la loi dans cet endroit-là. Ça n'a pas changé beaucoup. Et il y en a une qui va résister, qui est l'aînée, parce qu'elle est plus maligne, et surtout parce qu'elle a un ami qui est un saint homme et qui lui dit, écoute, ne cède pas à la colère, parce que c'est comme ça que l'ennemi, hein, comme on dit dans les livres de cette époque, nous prend quand on est en colère. Malheureusement, elle a quand même beaucoup de raisons d'avoir la haine. Et un jour, qu'en plus, il y a une bande de voyous qui la bat comme plâtre, elle est super en colère. Et du coup, le démon en profite pour coucher avec elle pendant son sommeil. Et elle, voilà qu'elle enfante Merlin. Ça se fait pas, hein, ça se fait pas. Et oui, ça se fait pas. Rappelons aux gens qui nous écoutent qu'il faut pas le faire, c'est pas conseillé, quoi, je veux dire. Donc, si vous voulez les détails, lisez Merlin. Et Dieu, dans sa sagesse ou son goût de torturer le genre humain, décide de donner à l'enfant le pouvoir de lire l'avenir pour contrebalancer le don démonologique de connaître le passé. Alors, ce qui est très intéressant et drôle dans l'enfance de Merlin, c'est qu'on a l'impression que l'auteur décrit un peu un enfant surdoué. Il parle très vite, il écrit très vite, il n'aime pas la compagnie des autres enfants, il parle aux adultes. Et c'est un peu Merlin l'ancêtre, on va dire, des jésuites ou de Saint Ignace de Loyola. Parce que son intelligence rusée qui est dangereuse, comment il va la contenir? Eh bien, justement, en se préoccupant de l'avenir. Mais pas de son avenir à court terme, ni même de sa retraite, parce que Merlin sait tout de suite qu'il va avoir de gros problèmes avec l'autorité, qu'il va avoir de sérieux problèmes. Non, il pense à l'avenir du royaume, l'avenir collectif, pour contrebalancer un peu le pouvoir glissant de sa propre ruse. Et il a un ami prêtre qui va lui demander « Écoute Merlin, je suis très inquiet, t'es quand même le fils du diable, est-ce que tu ne serais pas en train de me manipuler ?» Et là, il faut que j'aille vite, donc je ne lui dirai pas ce que Merlin lui répond. Oh, le suspect. Grosso modo, il lui répond qu'il ne le manipulera pas parce que justement, il pense à l'avenir. Et l'avenir que vise Merlin, c'est celui des générations futures, quitte à encourager les passions illégitimes puisque le roi Arthur naît d'un adultère. Et 8 siècles plus tard, la technologie nous a donné les pouvoirs de Merlin. Et les Sherman de la conférence sur le climat vont bientôt négocier nos derniers degrés de liberté, et si oui. j'ose dire, jusque dans les modes des verbes qui engageront les parties. Les États devraient-ils s'engager ou devront-ils s'engager ? Remarquez que notre destin va se jouer à ce conditionnel ou à ce futur, et il est possible que le changement climatique nous donne finalement la chance unique de modifier notre perception du temps et de mesurer, comme Merlin, combien le court terme est une illusion incompatible avec l'avenir. Isabelle Sorrente sur France Inter. Mais pas parler de la seule chose qui est intéressante chez Merlin l'Enchanteur, c'est que c'est un homme qui fait la vaisselle. Et ça, ça a changé la donne. Ça va passer au troisième sujet. Qu'y a-t-il après la télé-réalité ? Il y a un marché de la télé-réalité où les comètes qui ont traversé l'écran monnaient leur image dans des boîtes de nuit pour quelques temps seulement. Il existe des sortes de managers appelés des bookers qui sont chargés de leur trouver des prestations. Mesdemoiselles, j'imagine aisément l'émotion qui vous étreint aujourd'hui. Car vous êtes enfin dans l'antichambre de la gloire et de la célébrité. Benoît, ça. Malheureusement, oui. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. 4 d'entre vous, j'ai bien dit 4, pas 5, vont avoir l'immense privilège, la chance et l'honneur de devenir une Bernadette. C'est donc dans Podium de Poulvord. Alors, après la télé-réalité, ces comètes de la télé, ces jeunes peuvent gagner jusqu'à 1500 euros par soirée en se montrant dans les boîtes de nuit. Pas plus. On peut surfer, non ? À mon avis, Nabila pouvait oui, mettre 10 Nabila, fois ça. Oui, alors Nabila, vous prenez un exemple. Ah, Nabila, c'est, bon, oui, voilà, c'est autre chose. Mais ils sont cotés. Ah, il y a des cotes. Okay, et puis si vous aviez lu l'article, vous le sauriez. Mais c'est alors, ça. on peut surfer sur la vague pendant un an, Pierre Bonte. Et voilà, vous dites, notamment dans le chapitre sur l'honneur, vous reprochez à la télé les ch'tis à Ibiza qui donnent une mauvaise image, vous dites. Oui, c'est-à-dire que je déplore que souvent les gens de télé, de télé-réalité, utilisent des gens du Nord, qui sont des gens dont le caractère est très ouvert. Ce sont des gens qui se livrent facilement et qui ouvrent facilement leurs portes. Et par conséquent, bon, quelquefois on abuse de leur crédulité, disons quelquefois de leur naïveté, c'est vrai, mais c'est une naïveté sympathique. Donc bon, si on a choisi des ch'tis, c'est pas par hasard. Et donc voilà, c'est ça, exactement. Je crois que, et de même qu'ils ont pris les Marseillais, c'est pas par hasard, c'est parce que ce sont des gens aussi très exubérants, comme le sont les gens du Nord en fait, hein, ils se parlent. Donc il y a vraiment des identités provinciales. Provinciales, ah, oui, ça fait partie des identités. Ce projet de l'écorce à Guantanamo, ça vous excite quoi ça? Ça peut donner quelque chose. En tout cas, si vous êtes producteur de télé-réalité, lisez Mes Petites Frances de Pierre Bonte, oui. Parce que là, vous allez trouver des caractères et des idées à transposer on ne sait pas où. Hein. Au Yémen, on ne sait pas très très bien. À cette heure-ci, Pierre Bonte, on va vous encanailler. Attention, c'est l'heure du sketch. Pierre Bonte, je vous ai donné un rôle, et un rôle que vous devriez tenir sans trop de soucis, puisque c'est le rôle de Pierre Bonte. Et vous avez la chance de rencontrer quelqu'un dont vous êtes l'idole, c'est Guillaume Meurice, puisque à quelques générations d'écart, vous faites le même boulot. Alors, il va vous demander quelques conseils. On est parti. Monsieur Bonte, je voulais vous dire que je suis un grand fan. Vous êtes un peu au micro-trottoir, parce que Jean-Pierre Elkabbach est à l'interview politique. Vous êtes vraiment un exemple pour moi. Hein, c'est... Merci, vous vous appelez ? Meurice, Guillaume Meurice. Ah, merci, Boris. Non, Meurice, c'est pas grave. Non, je voulais vous demander, c'est quoi le secret d'un bon micro-trottoir ? Il faut tomber sur les bons cons. Pardon oui. Les gros cons, si vous préférez. Non, mais attendez, vous voulez dire, il y a quand même un gros travail d'investigation, non, j'imagine. Non, il suffit, c'est la chance. Ça. Il faut trouver le bon con, lui poser une question, et puis voilà, il faut le laisser parler. Non, mais attendez, monsieur Bonte, vous pouvez pas dire ça. Il y a bien un truc en plus. Ouais. Ah, voilà. Il faut pas l'interrompre. Ah, ouais. je vous cacherai pas que je suis déçu. Pourquoi, Maurice ? Meurice. C'est pas grave. Oh non, mais en fait, je voyais ça plus compliqué. Moi, je pensais qu'il y avait quand même une recherche de véracité, des choses comme ça. Non, attention. En fait, c'est pas si simple. Il faut trouver le bon con, d'ailleurs, si je puis dire. Il faut le pister, il faut le suivre jusqu'à un point d'eau, souvent un PMU. Ouais. Et tenez, venez avec moi, je vais vous montrer. Ah, ben d'accord. Bonjour, monsieur Bonte. Vous voulez bien répondre à quelques questions ? C'est pour la radio. C'est pour quelle station ? RMC. Ah, non, mais on n'est pas sur RMC, on est sur France Inter. Ouais, ben, c'est un appât, Boris, ah, avec Maurice, un journaliste RMC, le con, se sent tout de suite en confiance. Ah, d'accord, je comprends. Ah bon, et vous vous appelez comment ? Michel. Hein ? Ah, Gaël. selon une étude, 65% des djihadistes seraient musulmans, 20%, 30% seraient juifs et 15% chrétiens. Par conséquent, pensez-vous qu'il y a trop de noirs en France ? Ça dépend, vous pouvez répéter la question ? Attends. Partant du principe qu'un nain néo-nazi viole 12 femmes en 3 nuits, combien faut-il expulser de noirs en France pour vivre en sécurité ? J'ai pas la calculatrice, je dirais beaucoup. Ouais, merci. Je vous remercie, Lionel. Tu vois comment on fait, Boris ? Maurice, pardon. Ah, c'est magique, hein, monsieur Bontin. Vous êtes un génie pour faire dire des conneries aux gens. Non, moi, c'est rien du tout. Vous variez Laurent Ruquier. Merci, c'était Pierre Bont. Vous étiez brillant, Pierre Bont. Oui, oui. Vous faites un bon Pierre Bont. Qui publie Mes Petites France. C'est publié chez Fayard. Merci beaucoup, Pierre. J'ai rien écrit, hein, attention. Je ne croyais pas ce que j'ai dit, là. Merci, c'est eux qui m'ont fait dire tout ça. Oui, et sans me prévenir, en plus. J'ai pris ça au pied levé. Allez, on va laisser le mot de la fin à Nicolas Sarkozy et Nadine Morano. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Vous êtes bonne pour la camisole de poing.